Sur la plage, il pleut beaucoup, passionnément. J'ai un peu perdu le goût de l'océan. Mais la mer est toujours bleue, comme si c'était un jeu, comme si l'amour durait toujours. Sur le sable abandonné, tu ne viens plus. Tous les oiseaux de l'été se sont perdus. Mais la mer est toujours bleue, comme si c'était un jeu, comme si l'amour durait toujours. Fermé ce matin tous les hôtels, les jardins, le casino et le soleil. Mais la mer est toujours bleue, comme si c'était un jeu, comme si l'amour durait toujours. Mais la mer est toujours bleue, comme si c'était un jeu, comme si l'amour durait.